Selon le journal internet sud-coréen Tongilnews, les représentants et les militants des formations civiles et sociales de toutes les régions sud-coréennes ont organisé une réunion pour la paix le 4 mai à Songju de la province du Gyeongsang du Nord et publié un programme d'action intensive contre la disposition de SAD.